L'apostrophe, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois, de 19h à 20h. L'émission, coproduite par l'apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, et votre radio locale, RGB 99.2. Bonjour, très heureux de vous retrouver pour l'apostrophe, l'émission de ce mois de février 2014. Parmi nos invités du jour, eh bien Joël Pommera, metteur en scène et auteur, pour deux spectacles à l'affiche à l'apostrophe pour les prochaines semaines et les prochains mois. Pierre de Bettmann, ce compositeur, pianiste et artiste en résidence, avec qui nous allons parler d'un concert commenté autour de John Coltrane et d'un nouveau concert, d'une nouvelle création de Pierre de Bettmann pour le 4 avril au Théâtre des Arts à Cergy-Centre. Autre invité en studio, Jean-Joël Le Chaplin, directeur de l'apostrophe, ce qui nous fait l'amitié de nous accompagner chaque émission, puisque l'apostrophe, l'émission, est coproductrice de cette même émission sur RGB. Bonsoir. Bonsoir. Irène Filiberti, chargée de communication, responsable pédagogique, journaliste, qui va évoquer pour nous et pour vous, auditeurs de RGB, ce nouveau projet, l'arrivée aussi d'un nouvel artiste en résidence à l'apostrophe, François Verrès, autour d'un chantier 14-18, c'est le titre provisoire, ai-je bien lu et compris, mais ménageons le suspense. Pour l'heure, place à nos premiers invités. Les artistes en résidence. Pierre de Bettmann, donc compositeur et pianiste, artiste en résidence à l'apostrophe, la scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise. On a donc à voir ensemble deux actualités qui sont à l'affiche de l'apostrophe. La première, la formule du concert commenté qui aura lieu cette semaine, jeudi 13 février à 20h30 au Forum des Arts et Loisirs à Ony, autour de John Coltrane. Et la deuxième, autour de la création 2013-2014 qui aura lieu le 4 avril prochain au Théâtre des Arts à Cergy-Centre. Commençons par le commencement avec cette formule du concert commenté qui est déjà pour le coup plus que bien rodée dans le cadre de cette résidence artistique puisque il y a déjà eu plusieurs propositions sous cette forme pour on va dire illustrer les étapes clés de différents maîtres du jazz. Peut-être l'occasion de rappeler les précédentes propositions. Il y a eu Herbie Hancock, Keith Jarrett, Duke Ellington, très prochainement donc cette semaine John Coltrane et au mois de mars prochain Chick Corea. Pourquoi ces formules? Alors moi je trouve que c'est une formule qui est, on pourrait dire, pour reprendre une expression un peu à la mode, gagnant-gagnant. Ou gagnante-gagnante, je ne sais pas exactement comment il faudrait dire. Je veux dire par là que c'est évidemment, il y a un but pédagogique de faire découvrir des grands maîtres qui nous ont profondément touchés et qui ont au fond vraiment façonné l'histoire de ce qu'on appelle donc jazz. Donc ça, il y a un but pédagogique et puis il y a aussi en même temps, c'est quelque chose qui, en tant qu'artiste, moi, je trouve, en tant que musicien, me fait beaucoup de bien. Me refrotter à ces répertoires, c'est quelque chose que je fais vraiment plus que volontiers, et j'essaie d'y mettre beaucoup de cœur, et beaucoup de... En tout cas, j'y passe du temps, parce que quand on s'attaque à des monstres sacrés comme ça, je trouve qu'on peut pas le faire, on peut pas le faire à moitié. Voilà, et en plus ça me permet à certaines occasions, comme ça a été le cas depuis le début de l'année, d'inviter des gens qui sont, je dirais, vraiment habités par les parcours auxquels et les gens auxquels on rend hommage. Donc c'est le cas de François Théberge qui est quand même un fin connaisseur de toute l'histoire du jazz à mon sens, mais notamment d'Ellington, et inviter David Elmalek pour rendre hommage à John Coltrane, c'est assez approprié également. Mm-hmm. Donc voilà. Alors Coltrane, ce musicien culte s'il en est, considéré certainement comme l'un des plus grands saxophonistes de tous les temps, qui a influencé plusieurs générations de musiciens et pas uniquement dans le milieu du jazz. Probablement, en tout cas, il a vraiment influencé le milieu du jazz. Mais comme tous les immenses personnages, artistes, leur influence est tellement, tellement forte qu'on sent bien que dans le moteur qui les a poussés, il y a quelque chose de totalement universel. Donc c'est certain que John Coltrane est une figure qui irradie l'intégralité de l'histoire de l'art. Ça, j'en suis certain, effectivement. Je suppose, j'imagine que dans l'évocation de son parcours, il y aura forcément plus qu'une étape à découvrir sur certainement l'un de ses plus grands chefs-d'œuvre, sans doute le disque le plus connu, Love Supreme. Oui, mais bien sûr, Love Supreme est un des joyaux du parcours, mais il se trouve que Coltrane a commencé quand même dans les années 50, sans sa carrière superbe dans les années 50, à enregistrer avec beaucoup de formules différentes. Enfin, il s'est quand même, en tant que leader, focalisé sur un nombre restreint de formules, mais il a enregistré avec plusieurs labels différents. Oui, Love Supreme fait partie du parcours, mais d'autres aussi. Enfin, Blue Train aussi, Coltrane Sound aussi, les ballades, le Coltrane Plays the Blues, le Giant Steps, enfin la liste est immense quoi, enfin jusqu'à Crescent, enfin même au-delà, enfin on essaiera peut-être de balayer jusqu'à ces dernières heures d'une certaine façon 66 et 67. Je verrai. Généralement, j'ai effectivement tendance à prendre la chose de façon chronologique. C'était oui, un des musiciens probablement les plus inventifs du jazz, non ? Ah, sans aucun doute, ça, sans aucun doute. Et moi, j'ai envie aussi de dire les plus habités. C'est ça qui... Le mysticisme ? Oui, il était très, très habité. Moi, je dirais possédé par son art comme peu le sont. Et évidemment, c'est une personnalité extrêmement spirituelle. Je pense que tout son parcours, en fait, c'est sa musique qui en témoigne. Il a quand même un engagement qui est total dans sa musique et qui force le respect, enfin, l'admiration. C'est difficile de mettre des mots, en tout cas. Moi, vous voyez, j'ai du mal à trouver des mots parce que quand on écoute Coltrane, c'est d'abord un son. Et c'est évidemment ensuite une fluidité exceptionnelle, puis c'est une démarche. Mmh. C'est un homme totalement dédié à son art voilà, et sa musique, à mon sens, sa musique en témoigne au-delà de n'importe quel mot, je pense. C'est à voir et c'est à partager donc et à entendre au Forum des Arts et Loisirs à Oni ce jeudi 13 février à 20h30, donc autour de John Coltrane pour cette formule de concert commenté. Juste déjà prendre sur rendez-vous pour le mois suivant autour du pianiste Chic Corea. Le 13 mars, ce sera à Éragny-sur-Oise et le 15 mars au Centre culturel de Jouy-le-Moutier. Exactement. Et cette fois-ci, je le ferai en trio. En trio. Voilà. Venons-en à la création 2013-2014 dans le cadre de cette résidence artistique à l'apostrophe, la scène nationale de Cergy Pontoise. Shift, un nouveau projet, nouvelle formule, cette fois-ci centrée sur les claviers et les percussions, après le superbe projet du Medium Ensemble où il était question d'un ensemble pour 12 musiciens. Oui, c'est exactement ça, c'est une nouvelle étape. Là, je dois dire que je goûte goulûment aux possibilités que m'offre l'apostrophe de faire ces projets de création qui sont toujours un peu le temps fort de l'année pour moi. Alors pourquoi cette formule c'est avec un peu de malice que c'est les larrons qui font l'occasion. En fait, j'ai rencontré Pierre-Alain Tocanier qui est organiste et pianiste d'ailleurs, mais notamment organiste. Pierre-Alain Tocanier, Laurent, c'est le batteur. Oui, c'est un batteur. Je suis désolé. Donc j'ai rencontré Pierre-Alain Tocanier qui est batteur et Laurent Coulondre, qui est organiste et également pianiste, par dans les clubs à Paris, parce qu'il m'arrive quand même assez souvent de traîner dans ce genre d'endroit où je trouve que la musique est toujours plus que vivante. Et donc, ils ont un duo et je les ai trouvés formidables en duo. Et l'occasion a fait qu'on s'est rencontrés plusieurs fois. Et on s'est dit qu'on avait envie de faire quelque chose ensemble. Et on a eu presque ensemble l'idée de penser à un percussionniste et ensemble l'idée de penser à Stéphane Edouard. Donc il y a eu une espèce de conjonction assez plus que naturelle, je dirais. Et voilà. Et je pense qu'on a envie de se frotter à une écriture plus sobre et plus centrée autour de ce qu'on appelle la tournerie, en fait, le groove. Un peu pur et dur. Formation rajeunie donc par rapport aux précédentes expériences, aux précédents projets, avec l'idée d'explorer un peu l'univers musical. Alors, on a toujours envie d'explorer, je pense, oui. On a envie d'explorer. Moi, j'ai écrit des choses pour ce projet, mais comme je le disais tout à l'heure, je pense que l'écriture sera plus un prétexte que quelque chose de... disons de trop contraignant. Il se trouve que dans mon parcours de leader depuis une dizaine d'années, j'ai beaucoup écrit de musique et le médium ensemble était peut-être la forme la plus aboutie que j'ai pu donner à ce travail d'écriture. Là, je vais écrire des choses, enfin j'ai écrit d'ailleurs parce que le calendrier avance et je me suis pris un peu à l'avance, mais j'écris des choses mais qui seront plus, j'allais dire, plus ramassé, plus sobre en matière d'écriture et plus prétexte à, je disais tout à l'heure, la tournerie, le rythme. Oui, parce que orgue, batterie, percussion, on se dit, et clavier, ça va être forcément bien rythmé l'ensemble. Oui, je pense que c'est vraiment l'approche. Shift n'a pas été choisi par hasard au niveau du titre. J'ai toujours beaucoup de mal avec les titres. Alors, je trouve ça c'est rigolo, toujours difficile à qualifier, surtout à prénommer. Oui, c'est ça. Oui, c'est compliqué. Moi, je trouve que mettre des mots sur la musique, c'est toujours un exercice qui est vraiment, vraiment compliqué. Parce que je sais que par exemple, Jean Kalevitch disait que la musique commence là où la parole s'arrête. Et je trouve que c'est toujours vrai. Ça, la musique exprime quelque chose d'un peu mystérieux. C'est quand même assez paradoxal de se dire qu'on a besoin de mettre des mots sur ces formes de sons organisés qu'est la production musicale. Donc j'ai toujours beaucoup de mal avec ça, mais c'est rigolo, je trouve. Enfin bon, après j'ai pris cette image de Shift qui est à la fois liée à une certaine forme de modernité, pourrait-on dire, et au changement. Voilà, donc c'est bon, je trouve que c'était une image, allez, défendable. Le concert sera donc pour découvrir ce travail de création pour le vendredi 4 avril à 20h30 au Théâtre des Arts à Cergy Centre. Il y aura 48 heures avant une répétition publique, ai-je lu, c'est maintenu? Oui, bien sûr, bien entendu. On avait fait ça avec le médium ensemble. Le 2 avril à 14h30 avec entrée libre mais sur réservation. Et il y aura aussi également une rencontre avec l'équipe artistique à l'issue du concert du 4 avril. Là, il faudra partager les émotions avec le public. C'est ce qu'on avait fait également avec lors du médium ensemble. Enfin, l'idée, c'était juste avant. On fait ça soit dans le théâtre, soit autour du verre, puisque le bar est juste à côté. Donc, l'idée, effectivement, c'est de ne pas partir comme ça et de se rendre un peu disponible pour discuter avec tout le monde. Ça, c'est plutôt des choses qu'on aime bien faire parce que ça recrée, au fond, l'ambiance d'un club. Merci, Pierre de Bettman. Merci. À bientôt. À très bientôt. Avant de retrouver notre autre invité en studio pour parler de deux autres spectacles à voir d'Izzy Peuch à l'apostrophe, Joël Pommera, je vous propose de faire un détour avec un artiste qui sera à l'affiche le 14 mars au Théâtre des Louvrais pour un spectacle librement inspiré de l'art et la révolte d'Albert Camus, c'est Abdelmalik. J'aimerais ici entendre le souffle du soleil parler le langage de l'aube naissante, la promesse de tous les lendemains qui chantent en chœur. J'aimerais t'en dire c'est bientôt fini à toi qui hurle à la lune ta souffrance, la tendresse de tous ceux qui n'ont deuil que celui du cœur. Des gens qui perdent lentement leur avenir à force de se tuer au labeur. Des gens qui paient content ce que d'autres ont commis comme erreur. Des gens qui pleurent leurs rêves tués au grand jour, recroquevillés dans l'obscur du regret. Des gens qui, ayant assez de mourir à petit feu, en viennent à s'immoler. Et ces papiers, monsieur, s'il vous plaît, incessants, et c'est l'irrespect de l'humanité, des gens qui ne sont pas blancs, et c'est le regard qu'on ne porte même plus à notre semblable, et c'est la dignité même qui devient une valeur. Je t'aime. J'aimerais ici entendre le souffle du soleil parler le langage de l'aube naissante, la promesse de tous les lendemains qui chantent en chœur. J'aimerais t'en dire c'est bientôt fini à toi qui hurle à la lune ta souffrance, la tendresse de tous ceux qui n'ont deuil que celui du cœur. Des gens qui perdent lentement leur avenir à force de se tuer au labeur. Des gens qui paient content ce que d'autres ont commis comme erreur. Des gens qui pleurent leurs rêves tués au grand jour. L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Joël Pommerat, vous êtes auteur et metteur en scène. Vous êtes artiste associé au Théâtre National de Bruxelles. Nous allons parler, vous allez nous présenter deux spectacles qui vont être à l'affiche à l'apostrophe, la scène nationale de Cergy-Pontoise dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Le premier, Une année sans été de Catherine Hahn, présenté du 18 au 21 mars au Théâtre des Arts à Cergy. Et ensuite, on parlera de Cendrillon pour une réécriture libre de ce conte qui sera en scène, sur scène, présenté à Cergy-Pontoise du 5 au 8 mai prochain. Commençons par la pièce qui s'intitule « Une année sans été » de Catherine Hahn. Une démarche artistique bien singulière en ce qui vous concerne, puisque je viens de vous présenter comme auteur et metteur en scène. Mais là, il y a un projet unique, un cas d'exception. Oui, exactement. J'ai souhaité un peu différer de ma ligne, c'est-à-dire de monter pour la première fois un texte que je n'avais pas écrit, le texte de Catherine Hahn. J'ai fonctionné de cette façon-là sur ce projet, j'ai voulu faire comme ça parce que je désirais accompagner des très jeunes comédiens. Donc il y avait, en plus de l'idée de faire une création théâtrale, l'idée de participer en quelque sorte à un accompagnement de très jeunes gens qui font leurs premiers pas dans le théâtre. Et j'ai pensé que pour cela, il était nécessaire que je sois disponible, plus disponible que lors de mes créations habituelles, où j'essaye, dans le temps des répétitions, à la fois d'écrire, voire finaliser mon écriture, et mettre en scène, diriger. Et inévitablement, il y a moins de disponibilité vis-à-vis des acteurs dans ce contexte-là. Donc là, j'ai modifié les choses pour ces raisons. D'accord. J'ai bien compris pour cette expérience particulière, voire inédite, l'idée c'est de transmettre une expérience artistique et professionnelle. Alors vous parliez de jeunes comédiens, je crois qu'il n'y a pas seulement des comédiens, et ils vont être entourés non seulement par vous, mais des personnalités habituelles de la compagnie Louis Brouillard, une compagnie qui a reçu le Molière des compagnies pendant 2 années, en 2010 et 2011. Donc c'est un vrai partage d'expérience, une vraie transmission. C'est une tentative de. C'est oui, vous avez raison de dire qu'il n'y a pas que moi. Donc nous sommes une compagnie au sens le plus pur du terme, si je peux dire ça, pardon. Et on est un groupe, une équipe qui travaille ensemble depuis de nombreuses années. Il y a une expérience, il y a un savoir peut-être. effectivement, je ne suis pas le seul, je n'ai pas été le seul dans le processus de création, et aujourd'hui que le spectacle existe et qu'il tourne, je ne suis pas le seul impliqué dans ce travail d'accompagnement et de transmission. C'est vraiment le groupe qui s'est mis dans cette logique-là. Mmh. Et oh. C'est vrai que moi, j'ai souhaité... J'ai souhaité ce projet qui pourrait finalement avoir une dimension pédagogique. J'ai souhaité l'inscrire dans un contexte de création sans ambiguïté. C'est-à-dire que quand on présente le spectacle, on ne met pas en avant forcément le caractère pédagogique. L'idée, c'est qu'on présente un spectacle qui est totalement... identique à tous ceux que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui, à la différence que c'est pas mon texte, mais sur tous les autres plans, la même exigence, la même recherche d'engagement, de perfection a été engagée, enfin a été, je veux dire, a été mis en œuvre, et le résultat, bien sûr, c'est le spectateur qui pourra en décider, mais cette façon de faire permet, selon moi, réellement de donner à des jeunes gens une expérience et un savoir absolument indispensable pour comprendre de l'intérieur ce qu'est être comédien. Oui, j'ai bien compris que c'est pas simplement se former des comédiens à l'interprétation. D'ailleurs, vous avez une conviction essentielle, à savoir devenir comédien ou artiste ne s'apprend pas, et surtout l'école de théâtre est bien un lieu de déresponsabilisation. C'est dire que votre engagement est aussi l'idée que les jeunes qui vont participer à cette aventure soient un peu sur la même longueur d'onde pour le coup. Oui, exactement. Ils sont mis en responsabilité. C'est-à-dire qu'à la fois, on a parlé juste à l'instant du fait qu'ils étaient entourés, accompagnés, et on pourrait penser qu'il y a une sorte de prise en charge, de parrainage un petit peu protecteur. Alors, il y a une part de protection, mais il y a surtout pour eux une sorte d'obligation de se mettre en responsabilité de toutes les charges qui incombent à un acteur qui porte un spectacle devant le public et qui a aussi la responsabilité au sein d'une compagnie qui existe depuis déjà un certain temps, a en responsabilité un spectacle qui doit ne pas déshonorer, si je puis dire, la compagnie, et ça, c'est, je crois que c'est quelque chose qui a été essentiel pour moi dans ma décision de nous configurer de cette façon-là. C'est on pourrait dire c'est mettre en situation des gens et par ce fait-là les mettre en marche, les mettre en mouvement et les finalement leur faire comprendre que l'essentiel de ce qu'ils ont à apprendre et à comprendre dans leur démarche, dans leur travail, c'est par eux-mêmes qu'ils vont essentiellement devoir le trouver. D'accord. Alors j'ai bien compris, s'il s'agit bien d'une expérience théâtrale, vous avez choisi un auteur et un texte. Pourquoi Catherine Hahn et pourquoi le texte Une année sans été, une pièce qui est pertinente sur le thème de la jeunesse? Oui, c'est vrai que de toute façon, ce projet, il est juste parce que il met en scène des très jeunes gens. Il a été écrit par un auteur qui est de ma génération, qui est quelqu'un que je connais, que j'ai rencontré au cours de mon parcours, mais qui en l'occurrence a écrit cette pièce alors qu'elle était elle-même une débutante, une très jeune écrivaine. Et ça, c'est quelque chose qui est très important dans ce projet, le fait que tout soit centré absolument sur la question de qu'est-ce que c'est rentrer dans un âge des responsabilités, dans un âge adulte. Et quand je parle de responsabilité, je ne parle pas au sens habituel du terme, conformiste, mais plutôt qu'est-ce que c'est devenir encore un petit peu plus seul au monde que quand on est jeune, enfant ou adolescent, et se confronter à des choix profonds de vie. Et en l'occurrence, ces personnages sont eux-mêmes, dans la fiction, c'est-à-dire dans la pièce, confrontés à la question de la création artistique, de la création de leur existence. Et il y a en effet un jeu de miroir entre ce que ces personnages à l'intérieur de la fiction vivent et bien sûr ce que vivent ces jeunes gens comédiens dont on a parlé tout à l'heure. Et c'est ça qui est juste intéressant, passionnant, des fois compliqué, mais qui fait l'intérêt de ce projet aussi pour moi. L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Les jeunes donc confrontés aux grandes questions de l'existence, et on sait qu'aujourd'hui eh bien ces questions se posent évidemment tout particulièrement pour cette jeunesse d'aujourd'hui. Alors intéressant de remarquer que l'action, elle, ne se situe pas dans notre siècle, mais dans le siècle précédent, une occasion de créer une forme de décalage dans ce portrait de la jeunesse. Il y a une distance, il y a un décalage, et on peut dire que finalement il y a beaucoup de choses dans cet écart temporel qui font que certaines choses de la pièce nous paraissent un petit peu dépassées ou désuètes même finalement. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que il reste quelque chose de l'ordre de l'essentiel qui est en équivalence entre aujourd'hui et cette période-là. Et c'est comme si, du coup, ça permettait, plutôt que de se perdre dans beaucoup de petits parasites anecdotiques qui expriment une époque, ça permettait d'aller plus au cœur des choses. Enfin, c'est ce que je crois et que je défends et qui fait que je trouve justement intéressant, pour parler de la jeunesse, de ne pas avoir une photographie absolument contemporaine avec tout un tas de détails qui auraient été, selon moi, pas forcément utiles et nécessaires. C'est vrai, quand on parle de la jeunesse aujourd'hui, la situation est plutôt contrastée. D'ailleurs, l'écriture de l'auteur, vous dites qu'elle a su trouver un bon équilibre entre romantisme, sentimentalisme et cruauté, entre noirceur et légèreté. C'était utile d'avoir ce point d'équilibre. En tout cas, c'est un point d'équilibre, moi, qui me plaît bien. Après, il y en a d'autres possibles et bien sûr que d'autres choix peuvent être faits de ce point de vue. Moi, j'aime que le théâtre ne soit pas trop gentil, trop complaisant, qu'il n'ait pas peur, quoi, qu'il n'y ait pas de complaisance, mais qu'en même temps il n'y ait pas peur d'aller voir où ça fait mal, où c'est violent, pas forcément physiquement, mais dans les relations, dans les sentiments. Le théâtre permet de travailler aussi sur les excès, sur les tensions extrêmes, et dans cette pièce il y a des moments qui appartiennent à ce registre-là, et ça me plaît beaucoup. Et par ailleurs il y a aussi, du fait de cette période de la vie, sans doute, des moments qui appartiennent plus à un jeu plus traditionnel, enfin plus connu, un jeu des sentiments entre les individus, hommes, femmes, hommes entre eux, des jeux amoureux, jeux amoureux de manière un tout petit peu plus habituel. Je rappelle aux auditeurs que cette pièce, qui a pour titre Une année sans été, de Catherine Hahn, mise en scène donc par Joël Pomeras, sera donc à voir le 18 mars, le 19 mars, avec une rencontre ce jour-là avec l'équipe artistique à l'issue de la représentation, et le 21 mars également à l'Apostrophe, au Théâtre des Arts à Cergy. C'est à voir à partir de 15 ans, c'est ça la tranche d'âge ? Ça, c'est pas moi qui ait indiqué ça. Je pense que des gens qui ont dû bien réfléchir à la question ont dû le faire à ma place. Et pour vous, vous pensez que de plus jeunes adolescents peuvent aussi être Non, je pense que j'aurais peut-être dit un peu en dessus si on m'avait demandé, mais je laisse faire les professionnels. Voilà qui est dit. Deuxième pièce, un tout autre univers, celui de Cendrillon avec une réécriture libre, d'une libre adaptation pour le coup, du conte des frères Grimm. Alors, vous êtes déjà attaqué à de précédentes adaptations, je pense au Chaperon Rouge et à Pinocchio. Là, il y a peut-être un avertissement à indiquer à nos auditeurs. La Cendrillon de Joël Pommerat n'est pas une princesse, ni une jeune femme, plutôt un garçon manqué, et on peut déjà dire que c'en est fini du prince charmant. C'en est fini du prince charmant selon les codes que vous insinuez, si je puis dire, c'est-à-dire le prince charmant, l'image d'Épinal, l'image un petit peu, l'image très très conventionnelle et qui finalement d'ailleurs n'est pas forcément l'image véridique des contes, mais ça c'est pas le problème. C'est vrai que de toute façon dans cette histoire là, dans Cendrillon, moi j'ai opté pour l'irrespect, et tout simplement pour la réécriture de cette histoire là. Et ça ne m'intéressait pas de mettre en scène ce que l'attente des gens sur cette histoire que tout le monde connaît ou croit connaître. Ce qui m'intéressait, c'était d'aller chercher, au-delà des habitudes et des a priori, d'aller chercher ce qui avait fait au tout départ de la création de ce conte, ce qui avait fait du sens, ce qui avait fait de la force et du mythe. Parce que bien sûr que des histoires pareilles, si elles arrivent à traverser les temps, c'est parce qu'elles racontent de l'humain des choses qui sont, encore une fois, on l'a dit tout à l'heure sur l'autre spectacle, qui sont essentielles, voire éternelles, humainement, et qui touchent encore aujourd'hui, comme elles ont pu toucher il y a plusieurs siècles. Et moi, j'ai pas voulu parler du prince charmant de manière habituelle, mais j'ai voulu raconter, en l'occurrence par rapport à ce personnage, j'ai voulu raconter un individu, un homme qui est en position d'être un prince, un futur roi dans une royauté contemporaine. Et évidemment, le mot charmant ne veut pas forcément dire ce qu'on entend et qu'on a envie de projeter plutôt du côté des figurines de mode. C'est autre chose. D'ailleurs, le charme dépasse le caractère physique des individus. D'ailleurs, depuis que cette création a vu le jour, beaucoup de presse, beaucoup d'écritures sur le sujet. J'en ai sélectionné deux ou trois qui sont plutôt signifiantes, voire significatives de votre travail, de votre approche. Joël Pommerat a dépoussiéré ce classique en lui ôtant toute mièvrerie. Cendrillon de Joël Pommerat, c'est un chef-d'œuvre, une intelligence sensible au service de nos rêves, sans leçon de morale, du grand art. Et j'ajoute une autre critique parue dans Le Monde en novembre 2011. Cendrillon est un conte pour enfants, mais le spectacle de Pommerat est l'un des plus beaux moments de théâtre à vivre, pour les adultes aussi. La presse est dithyrambique sur le sujet. Oui, vous avez cité en tout cas les plus beaux... les plus beaux compliments, enfin les plus beaux, enfin les compliments les moins ambigus, voilà. Bon, ce que dire à ça, c'est un spectacle qui en tout cas a une portée tout public, c'est-à-dire à quand même à une portée fédératrice des générations. C'est un spectacle, même si c'est pas un calcul de ma part, c'est un spectacle qui est à la fois fait pour les enfants en premier lieu et qui arrive à toucher les adultes. J'ai essayé de mon côté de faire quelque chose qui me convienne théâtralement et sur le plan de l'écriture et sur le plan de la mise en scène, je n'ai pas cherché à faire un spectacle qui répondrait à des codes de l'enfance. J'ai juste présumé que en racontant une histoire d'une jeune fille, d'une très jeune fille, parce que ma Cendrillon est très jeune, elle a 11 ans dans mon histoire, donc c'est pas une femme. J'ai imaginé qu'en racontant le parcours d'une jeune fille de 11 ans, je pouvais concerner des enfants du même âge, un petit peu plus vieux, un petit peu plus jeune. Et j'ai fait confiance dans le théâtre que j'ai toujours essayé de faire avec mon équipe pour toucher et permettre de transmettre cette fiction et ces personnages. Voilà, ça a l'air d'avoir marché cette fois-ci, tant mieux. J'ai pas grand-chose malheureusement à rajouter, à dire ou à... C'est quelque chose qui échappe tout metteur en scène, créateur, la façon dont les spectacles sont perçus par les autres. Les acteurs jouent pour le coup un rôle essentiel aussi dans la réussite aussi de ce spectacle, dans lequel, il faut bien dire, on rit beaucoup. Le rire est plus que présent. 5 acteurs aussi étonnants que convaincants et qui font vivre sur scène 9 personnages. C'est dire que ça doit être ça dépasse même le travail et le rôle de l'héroïne. Oui, bah de toute façon c'est une histoire chorale, c'est pas une histoire d'un individu isolé, c'est vraiment d'ailleurs toutes les bases de cette histoire et bien sûr que j'ai conservé, même si c'est une réécriture très libre et, comme je disais, irrespectueuse, c'est quand même les relations que l'on connaît, c'est-à-dire les relations de violence à l'intérieur d'une famille recomposée, comme on dit aujourd'hui, des relations problématiques avec des personnages comme aussi étranges et surnaturels qu'une fée. Donc c'est l'occasion de moments tragiques et c'est aussi l'occasion éventuellement, et c'est le choix qu'on a fait aussi, de pousser cette violence du départ dans l'humour, voire la cruauté encore une fois, mais une cruauté qui n'oublie jamais l'humour. C'est pour ça que les gens arrivent en quelque sorte à la fois à récupérer ces émotions difficiles et en même temps à partir dans le rire à de nombreux moments. Très bien, merci Joël Pomeras. Juste indiquer, parce que c'est vrai que les critiques, j'en ai choisi comme ça sur le pouce 2 ou 3, mais il y en a quantité d'autres. Une pièce magique à mettre sous les yeux de tous les frileux du théâtre. Ça déménage sec, ai-je lu aussi dans la presse belge, pour assister à ce spectacle où on recommande que c'est un spectacle à voir en famille avec les enfants à partir de 9 ans. Ai-je lu, est-ce que c'est vous nous recommandez cet âge-là une fois de plus? Oui, je voilà, tout à fait, c'est bien 9 ans, je pense que un petit peu en dessous, ça peut être bien aussi en fonction des enfants et puis après c'est très bien. Et on a bien compris que c'était également pour les adultes, comme il a été dit tout à l'heure. Absolument. Merci Joël Pomeras. Merci à vous. À bientôt. À bientôt, Pontoise. Au revoir. Spectacle à voir le lundi 5 mai, mardi 6 mai, mercredi 7 mai et jeudi 8 mai au Théâtre des Louvrets à Pontoise. Voilà qui est bien noté. Des tours en musique, en chanson, avec une artiste complète, musicienne et chanteuse, la Québécoise Thérèse Montcalm, du jazz vocal, mais bien plus que cela, puisqu'on la surnomme à juste titre la rockeuse de jazz, qui se produira au Théâtre des Louvrets à Pontoise le mardi 11 mars prochain. Want to live each day to love her for what she is. wants to be another movie star, but is that really in her mind? And all the things she wants to be, she needs to leave behind. L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Un spectacle qui sera en effet prochainement à l'affiche, ce vendredi 14 février, c'est très proche, au Théâtre des Louvrets à Pontoise. C'est Jean-Joël Le Chapelain qui va nous en parler. D'après une histoire vraie de Christian Rizzo, c'est un spectacle de danse. Alors, le titre correspond à une réalité vraiment vécue par Christian Rizzo. Oui, il raconte qu'il se trouvait à Istanbul et a découvert... dans l'espace public, dans la rue, des barbus rassemblés qui dansaient tous ensemble, une danse folklorique, voilà, comme on n'en trouve plus beaucoup d'ailleurs dans nos contrées européennes et françaises. Ce genre de manifestation est plutôt à l'abri des salles de spectacle. Et donc cette réalité lui a sauté au visage, si on peut dire cela comme ça, et il a provoqué artistiquement de telle sorte qu'il s'est mis en demeure de créer un projet là-dessus, qui était un projet sur la danse, alors que depuis pas mal d'années, Christian Rizzo, qui est un chorégraphe, mais qui vient des arts plastiques, qui n'a donc pas eu le mouvement comme première préoccupation dans la création de ces spectacles, bien là, de fait, c'est véritablement profondément intéressé au mouvement et au mouvement à plusieurs. Et donc, il a constitué une équipe de 8 interprètes qui naviguent, jouent, courent, dansent, se percutent sur le plateau de théâtre, sur la musique absolument éblouissante de deux compositeurs batteurs qui donnent à ce mouvement une danse absolument exceptionnelle, totalement réussie et totalement enthousiaste enthousiasmant et dans lequel on a presque envie de les rejoindre sur le plateau si on avait quelques éléments de partition chorégraphique. Mais c'est véritablement une jubilation pour le spectateur. Il semblerait qu'effectivement, cette histoire vraie, le chorégraphe en a gardé le souvenir d'une émotion profonde, presque archaïque. C'est à voir donc ce vendredi 14 février à 20h30 à l'Apostrophe, au Théâtre des Louvrets à Pontoise, avec deux rendez-vous. Une rencontre avec les amis de l'Apostrophe à l'issue de la répétition pour ce vendredi 14 février et une leçon de danse avec un danseur de l'association Fragile de la compagnie de Christian Rizzo, c'est ça ? Voilà. Demain, samedi, du moins que je dis demain, pardon, samedi 15 février de 14h à 17h, toujours au Théâtre des Louvrets à Pontoise. Oui, enfin, c'est un projet que l'on met en œuvre depuis longtemps maintenant, ça fait plusieurs saisons, où l'on propose en effet aux spectateurs d'aller côtoyer de près les chorégraphes ou leurs équipes. Ils ne sont pas toujours disponibles, les chorégraphes. D'ailleurs, Christian Rizzo lui-même a animé en son temps un atelier de ce genre, et ces leçons de danse sont en fait destinées à permettre aux spectateurs lambda de tous âges d'entrer en contact finalement avec le langage particulier, singulier qui est celui du chorégraphe, de telle façon que l'on comprenne un petit peu mieux quels sont les enjeux et les aboutissements du mouvement, de la danse, à quoi finalement ça sert tout ça, et c'est mieux que ce soit ceux qui le fassent qui nous en parlent. Leçon de danse ouverte à tous, à chacun ? Absolument, il n'y a pas de... Enfin, il faut quand même pouvoir se mouvoir un petit peu. Donc, s'il y avait des personnes à mobilité réduite, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, la rencontre est ouverte à tous, petits et grands. Rendez-vous samedi 15 février, donc, de 14h à 17h au Théâtre des Louvrets à Pontoise. Sujet où il est question d'art, de culture, mais aussi de mobilisation, l'art en campagne, avec une situation un peu paradoxale dans notre pays, il faut bien le dire. Il suffit d'avoir mémoire, pour le coup, le budget de la culture qui n'a pas été sanctuarisé comme s'y était engagé un certain François Hollande avant son élection à la présidence de la République, c'était en 2012. Eh bien, le monde des arts et de la culture se mobilise, manifeste. Là, est en campagne. En campagne, c'est pas en race campagne, mais bien en campagne en lien avec les campagnes électorales à venir. Oui, parce qu'enfin, nous vivons une période en effet difficile, puisque en effet, le président Hollande, avant son élection, avait affirmé que la culture n'était pas un supplément d'âme, ce en quoi beaucoup de Français et la profession en tout cas est en accord avec évidemment cette vision. Ça n'est pas des crédits qui sont utilisés pour le divertissement des populations, c'est pas les jeux du cirque non plus, ça fait partie de la formation des citoyens, et donc nous étions et nous sommes toujours en phase avec cette idée. L'inconvénient est que nous voyons les budgets consacrés à la culture baisser, et en 2013 et en 2014, et bien les budgets de la culture sont en baisse considérable, et on nous annonce même des réductions de l'ordre de 20% des moyens du ministère de la Culture dans les trois années qui viennent. Donc c'est assez alarmant pour le devenir de notre pays, tout simplement. Il ne s'agit pas de défendre quelques prébendes ou quelques avantages acquis, puisque c'est pas sur ce registre que ça se situe. Mais lorsque le budget de la culture aujourd'hui représente à peine le montant qui était celui par rapport au produit national brut, par rapport à peine le montant de ce qu'il était à l'arrivée de François Mitterrand en 81 au pouvoir, on se pose des questions, hein, puisque on voit là la trace d'une volonté gestionnaire dont la culture ne veut pas s'extraire, mais les moyens qui sont rabotés sur le dos des artistes est insupportable, au sens où il est proportionnellement, il crée des ravages beaucoup plus grands que sur l'enrobage des routes, par exemple, pour ne parler que de cela. Les inquiétudes sont bien plus fortes que cela, puisqu'elles se changent en scène colère, manifestation nationale qui a eu lieu cette semaine à Paris, et des actions qui vont s'inscrire à long terme pour continuer de faire entendre tous ceux et celles qui veulent manifester sur le sujet. Il y a un enjeu, que chacun de nous, chaque Français et Française peuvent comprendre, c'est l'avenir de la création artistique qui est en jeu. Oui, enfin, c'est l'avenir de la création, c'est l'avenir de la vie des citoyens. Qu'est-ce que serait une ville sans lieu de culture? Que serait une nation sans des artistes qui développent leurs propres projets personnels à la rencontre de la société dans laquelle nous vivons? Que serait une société sans possibilité de développer ses sensibilités et son intelligence? On a une peine à imaginer ce que ça pourrait être. Donc les moyens consacrés à la culture, c'est 0,70% du budget national pour ce qui concerne l'État, même si les collectivités locales relaient cette action fort heureusement, mais elles-mêmes sont prises au piège de systèmes économiques qui les conduisent elles aussi à faire des choix qui, quelquefois, menacent aussi la culture. Donc, en effet, il y a tout un mouvement qui a été engagé. Là, en campagne, c'était au mois de janvier. La marche pour la culture qui vient d'être organisée ces jours derniers, qui sera également poursuivie dans les mois qui viennent, à peu près à raison d'un rendez-vous par mois. Et ce, non seulement à Paris, mais dans toute la France. À Paris, où il y avait quand même plus de 2000 personnes qui étaient rassemblées lundi dernier pour alerter le pouvoir sur la bêtise, ne disons pas d'autre chose, qui est en train d'être commise en réduisant ses budgets. Donc on sait qu'au sein du gouvernement, au sein de la majorité présidentielle, il y a beaucoup de gens qui partagent cette idée qu'il ne faut pas réduire le budget de la culture, en tout cas pas plus qu'elle ne peut supporter. La mobilisation se poursuit, comme il a été dit, l'art est en campagne, affaire à suivre. Après cette mobilisation, parlons de révélation sur un nouvel artiste en résidence, François Verrès, qui n'est pas un inconnu, avec la scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, puisqu'il a déjà été en résidence dans les années 2000, c'est ça ? 2005 à 2007, oui, pendant 2 années. Alors, c'est Irène Filiberti qui va nous parler de ce travail, d'un travail qui a un titre provisoire pour le moment, qui se dit ainsi, chantier 14-18. Je me suis dit, tiens, évocation d'autres actualités dans l'histoire de notre pays, où on s'apprête à fêter la guerre de 14-18. Non, peut-être, allez savoir. Il y a une phrase qui est livrée par François Verrès, pour peut-être expliquer sa démarche, et ensuite Irène Filiberti nous précisera ce projet. L'humanité actuelle regarde aussi peu vers le passé que vers l'avenir. Pendant le passage de la tempête, ses yeux restent fermés ou, dans le meilleur des cas, fixés sur l'instant présent. Alors, il est question, Irène Filiberti, de non seulement d'être bien les pieds dans le présent, mais de ne jamais oublier son passé et de se projeter vers le futur également. Oui, en partie en interrogeant finalement la question de l'héritage et de la transmission. En fait, François Verrès est un artiste très engagé dans l'acte et dans sa façon de travailler, de un mettre chorégraphe. En commun. Voilà. C'est un chorégraphe, mais aussi plus atypique. Oui, atypique. Parce qu'il s'intéresse aussi beaucoup à l'image et il fonctionne toujours selon un même processus, je dirais, d'accompagnement artistique avec d'autres champs disciplinaires, en fait. Il y a des musiciens comme là dans cette préfiguration, disons, de création, parce que ça dure souvent sur des années, ces projets, ces étapes et ces laboratoires. Avec Jean-Pierre Drouet en musicien, il y a plusieurs danseurs comme Jean-Christophe Paré et d'autres, Mitya Fedofenko ou Germana Sivera, mais également il peut y avoir des plasticiens, des musiciens. Donc à chaque fois, il constitue une équipe vraiment qui va questionner toujours un sujet de plus en plus profond en allant également sur des étapes d'accueil, c'est d'où l'objectif de la résidence, à la rencontre aussi de publics, d'associations, de groupes, et en collectant tout ce travail de témoignages, de gestes, de façon à pouvoir établir des créations, et même parfois des, je dirais, de plus petites formes qui représentent un peu cette restitution des travaux en commun. Alors quand on parle de transmission, là il est question de transmettre aux plus jeunes, et le chantier 14-18, c'est la tranche d'âge 14-18 ans ? Bon, c'est une façon de le nommer, mais en fait ça porte sur toutes les générations, puisque ce qui l'intéresse aussi, c'est de mettre en écho les personnes qui ont encore des réminiscences, disons, plus proches de ces terribles périodes, et aussi de comment réagissent effectivement les adolescents face à des dates de mémoire, mais aussi de voir comment on peut traiter la commémoration. Puisqu'il y a toutes les pratiques d'aujourd'hui, et par rapport à l'expérience physique, émotionnelle, perceptive, qu'elle peut laisser la trace dans les corps, notamment, puisqu'il n'est pas chorégraphe pour rien. On sent bien qu'il est question de mémoire collective qui, jusqu'à présent, se transmettait de génération en génération, et qui, finalement, dans les temps présents, cette transmission ne se fait plus aussi naturellement, quels que soient les sujets. Ça, je pense que c'est plutôt du côté de son étude, voir un peu comment elle se présente et comment on peut réactiver quelque chose de vivant à travers ça, et quelles sont aussi peut-être les séquelles, les ouvertures, les bilans que l'on peut tirer de l'histoire, la ça grande comme la petite. Ça sera en tout cas le sujet majeur de ce travail, de cette nouvelle résidence Danse à l'apostrophe, avec donc François Verrès. Chantier 14-18, c'est aussi finalement le clin d'œil à 2014-2018. Je crois que c'est la durée aussi peut-être de cette nouvelle résidence. Oui, c'est le projet sur lequel nous sommes en effet de ces 4 années, de 3 à 4 années. Mais c'est toujours très difficile quand même d'imaginer ce que l'on va faire avec un artiste sur le long terme, puisque les projets évoluent. Donc ça n'est pas un objet que l'on va réaliser coûte que coûte selon un scénario prédéterminé, etc. Mais c'est plutôt l'idée, une perspective. C'est un azimut, comme on dit en marine, c'est une orientation. Et en tout cas, la recherche de François Verrès, elle est tout à fait intéressante, en cela qu'elle elle interroge toujours, comme ça vient d'être dit, la question du rapport de l'artiste à la société du moment et à la référence au passé. Et donc, en effet, sur une période assez longue, nous espérons pouvoir continuer de tisser des connexions avec l'artiste et le terrain et les personnes qui habitent le territoire, puisque là, je précise que François Verrès, sa période de résidence a malheureusement correspondu à la période où le théâtre des Louvrés avait été incendié. Donc sur les 2 années de sa résidence, il y a eu plus d'un an et demi dans lesquels il n'avait pas d'outils de travail performant qui faisait partie à l'origine de nos relations et de la mise à disposition qu'on voulait faire. Donc c'est une des explications supplémentaires, en-delà de l'intérêt qu'on a pour son projet, au fait que l'on puisse comme ça lui permettre à nouveau de retravailler avec nous. Pour en savoir davantage, tant sur les spectacles qui vous ont été présentés au cours de cette émission, que sur la programmation, que sur les projets à venir de la scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val-d'Oise, l'apostrophe, je vous invite à composer le 01 34 20 14 14, 01 34 20 14 14, ou bien le www.lapostrophe.net pour ceux qui sont internautes dans l'âme. Remerciements à nos invités, Joël Pommerat, Pierre de Bettman, Jean-Joël Le Chapelain, Irène Filiberti. Remerciements à Arnaud Vasseur qui m'a aidé à préparer cette émission, et ainsi qu'à Jérôme Letellier qui l'a réalisée avec brio. Cette émission animée par votre serviteur animateur José Guérin sera rediffusée ce samedi 15 février de 9h à 10h sur RGB, sur le 99.2 FM, ainsi que sur notre site internet en streaming www.radio-rgb.net, puis disponible en podcast sur le même site internet. Pour le prochain numéro de l'apostrophe l'émission, rendez-vous sur RGB le mercredi 12 mars